se battent à coups de poing violents. Ils s'éclatent et comme des chiens méchants dans une cage tournent en montrant les dents de colère et de rage. Il y a dans ma rue tant de nids délaissés, tant d'oisillons perdus, plumes arrachées, y'a pas dans mon aquarium que des petits poissons rouges. Y'a des requins mangeurs d'hommes qui croquent tout ce qui bouge. Sur mon île de Pâques, y'a des statues, elles sourient mais t'attaquent. Tranche la tête à 5h du matin à la sortie d'une fête. Il y a dans ma rue tant de nids délaissés, tant d'oisillons perdus, tant de plumes arrachées. Y'a pas dans mon aquarium que des petits poissons rouges. Y'a des requins mangeurs d'hommes qui croquent tout ce qui bouge. Le petit chaperon par le loup se fait manger. Le chasseur tue le loup et détrousse la mémé. Dans la grande forêt, il y a des soirs où les fées se prennent les pieds dans les pièges à renards. Il y a dans ma rue tant de nids délaissés, tant d'oisillons perdus,